interesse hacia tomar le retard de faire carrière. Tagia, et que tu racontes. Tu vas faire savoir nos intentions à nos amis siciliens. Dis-moi. Qui garde l'œil ouvert. Mes oreilles aussi. Bien ouvert. Ce soir tu nous mets du champagne, mets-nous du bouteille là. Chacun va revenir.